m'aime-t-elle? M'aime-t-elle? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Je suis love, je suis love, je suis love, je suis love. M'aime-t-elle? M'aime-t-elle? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Je suis love, je suis love, je suis love, je suis love. Quand je l'ai connue, elle, quand elle m'a appelé moi, j'ai décroché quand j'ai vu que c'est elle qui m'interpellait. Quand elle m'a parlé, je m'apprêtais à m'envoler. La voix était aussi douce que la peau, ça me faisait rêver. Je l'ai aimée de toute façon, je l'aime encore. J'ai envie de fly quand ses amis disent qu'elle m'aime plus fort. Quand je suis dans un rêve, faut pas me réveiller. Tu sais ce que ça fait le réveil d'un pitbull enragé. Encore une meuf à conquérir, un paquet à découvrir.